Victor Hugo, à Guernesey, un manque. Pourquoi donc s'en est-il allé, le doux amour? Ils viennent un moment nous faire un peu de jour, puis partent. Ces enfants que nous croyons les nôtres sont à quelqu'un qui n'est pas nous. Mais les deux autres, tu ne les vois donc pas, vieillard? Oui, je les vois, tous les deux. Ils sont deux, ils pourraient être trois. Voici l'heure d'aller se promener dans l'ombre, des grands bois pleins d'oiseaux, dont Dieu seul sait le nombre, et qui s'envoleront aussi dans l'inconnu. Il a son chapeau blanc, elle montre un pied nu. Tous deux sont côte à côte, on marche à l'aventure. Et le ciel brille, et moi, je pousse la voiture. Toute la plaine en fleurs a l'air d'un paradis. Le lézard court au pied des vieux saules, tandis qu'au bout des branches vient chanter le rouge-gorge. Mademoiselle Jeanne a 15 mois et Georges en a 30. Il la garde, il est l'homme complet. Des filles comme ça font son bonheur. Il est dans l'admiration de ses jolis doigts roses. Leur compare en disant toutes sortes de choses, ses grosses mains à lui, qui vont avoir 3 ans. Et rit. Il montre Jeanne en route aux paysans. Ah, dame, il marche, lui, cette mioche se traîne. Et Jeanne rit de voir Georges rire. Une reine, sur un trône, c'est là, Jeanne dans son panier. Elle est belle, et le chêne en parle au marronnier. Et l'orme la salue et la montre à l'érable, tant sous le ciel profond l'enfance est vénérable. Georges a le sentiment de sa grandeur. Il rit, mais il protège, et Jeanne a foi dans son esprit. Georges surveille avec un air assez farouche cet enfant qui parfois met un doigt dans sa bouche. Les sentiers sont confus et nous nous embrouillons, comme tout le bois sombre est plein de papillons. « Courons !» dit Georges. Il veut descendre. Jeanne est gaie. Avec eux, je chancelle. Avec eux, je bégaie. Oh, l'adorable joie! Oh, comme ils sont charmants! Quel hymne auguste au fond de leur gazouillement! Jeanne voudrait avoir tous les oiseaux qui passent. Georges vit d'un pantin dont les ressorts se cassent. Et médite, et tous deux jasent. Leur cri joyeux semble faire partout dans l'ombre ouvrir des yeux. Georges, tout en mangeant des nèfles et des pommes, m'apporte son jouet. Moi qui connais les hommes mieux que Georges et qui sais les secrets du destin, je raccommode avec un fil son vieux pantin. Mon Georges, ne va pas dans l'herbe, elle est trempée. Et le vent berce l'arbre et Jeanne, sa poupée. On sent Dieu dans ce bois pensif, dont la douceur se mêle à la gaieté du frère et de la sœur. Nous obéissons, Jeanne et moi, Georges commande. La nourrice leur chante une chanson normande, de celle qu'on entend le soir sur les chemins. Et Georges bat du pied, et Jeanne bat des mains. Et je m'épanouis à leur divin vacarme. Je ris, mais vous voyez sous mon rire mes larmes, vieux arbres, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas cru que j'oublierai jamais le petit disparu.